Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque lundi, Frédéric Vorbe se pose son regard de philosophe sur les grandes problématiques qui s'imposent à notre société. Ce soir, je suis très heureux et très honoré d'être chez Françoise Héritier pour cette discussion qui aura donc lieu dans votre salon, Françoise Héritier, entourée de vos objets. Françoise Héritier, je le rappelle, qui a enseigné l'anthropologie au Collège de France, qui est intervenue à plusieurs titres dans la cité et avec qui nous allons donc discuter ce soir. Bonsoir Françoise Héritier. Bonsoir Frédéric Worms. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à discuter et de nous avoir invités à mener cette discussion chez vous. J'aurais voulu commencer cette discussion par votre art de la discussion. Vous avez composé un livre, Françoise Héritier, qui m'a beaucoup frappé, qui m'a emporté dans beaucoup de directions, que je n'avais pas lu, qui est paru il y a quelques années, en 2012 je crois, chez Odile Jacob, en 2009 même. Chez Odile Jacob, une pensée en mouvement. Et cette pensée en mouvement, c'est un collage, une sorte de mosaïque d'entretien que vous ne distinguez même pas typographiquement. Parfois, une section commence avec un entretien avec quelqu'un, enchaîne avec l'entretien avec quelqu'un d'autre. Comment est-ce que vous avez construit ce livre, cette structure tout à fait étonnante et relationnelle, je dirais? Mais peut-être justement en fonction du titre que je lui avais donné. C'est le titre qui avait commencé. Un peu. Une pensée en mouvement. Je voulais montrer que contrairement à ce que beaucoup croient, un anthropologue n'est pas quelqu'un qui travaille sur une idée et une seule idée et qui va le conduire à réfléchir toute sa vie avec, disons, un champ de vision relativement étroit. J'avais été très frappée, pardon, de faire cette référence. Un jour où je recevais une décoration sous la précédente présidence et où le président Sarkozy, qui disait un petit mot pour chacun des gratifiés, des récipiendaires, avait dit... Françoise Héritier, qui travaille sur les rapports entre les sexes. J'aime les gens qui ont une idée et qui s'y consacrent toute leur vie. Il ne pouvait pas dire une chose plus étrangère, plus à côté de ma façon de procéder et de ma personnalité. Bon, je ne dis pas que ça m'a engagée à faire ce livre, mais je me suis dit que peut-être pour beaucoup de personnes, ils devaient peut-être s'imaginer que nous étions ces espèces de forts en thème, mais qui, comme sur une paillasse de laboratoire, cherchent une bactérie, un microbe, et y consacrent toute leur vie, parce que là, c'est du pointu, si vous voulez. Tandis que nous, l'anthropologie, c'est une discipline incroyablement ouverte. Et je suis toujours curieuse de tout. Donc, la curiosité... Quelques autres éléments comme le sentiment de l'injustice, un goût pour ce que j'appelle les ailleurs, c'est-à-dire l'ailleurs de l'Europe, enfin aller voir ce qui se passe dans d'autres pays, notamment en Afrique, m'ont progressivement donc entraîné vers l'ethnologie de l'Afrique. Et puis, ayant trouvé là-bas, alors je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est très technique, un système de parenté et d'alliance assez rare et compliqué. Donc j'ai essayé de le comprendre, de l'analyser. Ça m'a amené à résoudre un grand problème de l'anthropologie générale de la parenté. Ensuite, de quoi, à cause de cela, j'avais entrevu quelque chose touchant la prohibition de l'inceste, ce qui m'a permis de continuer en travaillant sur la prohibition de l'inceste. Et c'est à partir de là que je me suis intéressée au rapport de domination du sexe mâle sur le sexe femelle. Et Après, j'ai été amenée à traiter de la violence. Et le tout, vous voyez, suit une ligne. Oui. Il y a un fil conducteur, même si au départ, on ne voit pas trop en quoi l'ethnologie de la parenté peut conduire à la violence. Bien pourtant, si. Mais c'est donc un fil extrêmement... une vraie corde, bien tendue. Une corde, mais en même temps un parcours, une diversité. Vous disiez que Nicolas Sarkozy vous avait peut-être pas réduite, mais ramenée à un seul thème, le masculin et le féminin, ou les relations de sexe, ou comme on voudra les appeler, mais en même temps, déjà, il négligeait l'aspect scientifique, l'aspect anthropologique que vous avez évoqué. Et puis, cette diversité de parcours, ce désir, cette curiosité, ce désir de savoir qui vous anime depuis le début. Aristote définit l'homme comme ça. Les hommes désirent savoir. C'est la première phrase de la métaphysique d'Aristote. L'homme désire savoir. L'homme désire savoir. Et en même temps, cette diversité, elle se retrouve dans ce livre qui n'est même pas un recueil d'entretiens, qui est un tissage d'entretiens. Un tissage. Et Françoise Héritier, qui reflète aussi la diversité de vos activités. C'est des entretiens avec des collègues, c'est des entretiens avec des journalistes, c'est des entretiens avec des savants, parfois aussi avec des politiques. Il y a même un entretien avec François Hollande, avant qu'il soit président de la République. Là, c'est vous qui interviewez, d'ailleurs. Oui, donc, tout à fait, la situation est renversée. Voilà, donc dans cette diversité de postures, on retrouve la diversité de vos engagements aussi, non seulement de des thèmes dans lesquels se diffractent vos problèmes fondamentaux, la violence, la parenté, mais en même temps de vos engagements. Comment avez-vous composé cette diversité, puis composé cette unité dans ce livre? Composer la diversité, en fait, je n'ai pas eu à la composer artificiellement. Elle est venue toute seule. Ah oui. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que à côté de mon cours au Collège de France, qui traitait, lui, j'ai oublié de le dire, c'est mon dernier thème de recherche. Vous ne pouviez pas tout dire d'un coup, on a le temps. L'anthropologie symbolique du corps. C'était le titre de votre chaire. Ça, c'est le dernier discours. C'est votre dernier cours. C'est les dernières années de cours de ma chaire. Votre chaire au Collège de France, puisque je le dis pour les auditeurs, les chaires au Collège de France ne sont pas des chaires d'une discipline seulement, mais d'un projet individuel. C'est un projet qui correspond à une recherche. Mmh. Donc, chaque professeur a son projet résumé dans le titre de sa chaire. Quel était le titre de votre chaire, Françoise Héritier? C'était Études comparées des sociétés africaines. Donc il n'y avait pas la parenté forcément dedans. Non, et parce que ça aurait été trop limitatif. D'accord. Et là, c'est d'ailleurs Lévi-Strauss qui m'a trouvé ce titre parce que j'étais bien embêtée pour en trouver un, car je suis entrée au Collège de France alors que Lévi-Strauss y était toujours. Ah oui, d'accord. Or, il avait. Vous vouliez à la fois être à côté et en même temps distinct. Non, il avait le titre de chaire que j'aurais souhaité avoir. Oui. J'aurais voulu avoir une chaire d'anthropologie générale ou d'anthropologie. Et c'est pas possible d'avoir deux chaires avec le même. C'est le propre donc, du Collège. Il fallait absolument trouver un titre qui convienne, qui me permette de faire de la comparaison. Alors je lui dis, mais je ne peux pas me contenter de comparer et de généraliser entre sociétés africaines. Il m'avait répondu, bon, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'il y ait le mot comparaison. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. C'est très important. Effectivement, j'ai fait ce que je voulais. C'est une remarque très importante, c'est-à-dire au fond, cette comparaison, c'était aussi sa méthode à lui. Vous repreniez un peu le flambeau, c'est-à-dire dégager des structures anthropologiques universelles, mais à travers des variations, des comparaisons d'une culture, d'un mythe à l'autre. Je ne suis pas structuraliste au sens précisément lévi-straussien. Pour qui c'est la fin de tout, la fin de toute analyse, c'est de dégager la structure. Alors, et pour moi aussi, mais j'entends par structure quelque chose qui incorpore également les affects, alors que pour lui, la structure est une affaire de raison et de logique. Alors que si vous y incorporez les affects, les mouvements sociaux, toute une série de choses qui sont fluides, enfin, lui, il les remet plutôt du côté des accidents historiques. Oui, c'est-à-dire que pour Lévi-Strauss, Françoise Héritier, la structure est sous les affects qui en sont en quelque sorte l'écume c'est dans une... notre expérience. Frédéric Worms, pour lui, c'est une les affects, c'est une sorte de mousse, de si mousse, vous voulez, c'est l'écume. De mousse, d'écume, de brume. Je me souviens d'un texte de Lévi-Strauss, Françoise Héritier, auquel j'ai pensé en lisant un autre de vos livres. En le relisant, celui-ci, le sel de la vie, parce que oui. Je me souviens que Lévi-Strauss disait, bon, la structure, elle est logique, elle est intellectuelle, mais nous en avons une expérience sensible malgré tout, mais il faut décomposer cette expérience sensible. Donc nous avons l'expérience du sucré, du salé, ou de la culture, ou oui, d'une langue, la... et en même temps, il faut rechercher la structure derrière, comme les physiciens, les chimistes cherchent la molécule qui explique le goût du sel, l'anthropologue cherche la structure qui explique le goût d'une culture. Voyez-vous. Et vous intégrez ce goût de la culture dans son fondement. Oui, oui, oui. Je continue tout de même, quand je fais un travail ethnologique, à essayer de mettre en évidence des structures mentales. Bon, c'est-à-dire que cet illogisme que l'on accordait aux sociétés dites primitives, quand on disait prélogique, ces gens-là, ils ne pensent pas comme des adultes s'ils s'imaginent qu'on peut appeler un enfant mon oncle, mon père, une fille, ma mère, alors qu'il a 3 ans et que l'homme en a 50. Bon, en fait, il y a une raison, c'est à cause d'un système de parenté particulier. Mais lorsque les premiers jésuites ou les premiers marchands ont rencontré ce genre de culture, ils en ont conclu définitivement à l'imbécilité profonde des gens qu'ils avaient devant eux. Bon. Et en fait, je cherche personnellement à retrouver les éléments structuraux qui expliquent la logique qui fait que dans telle et telle culture, ça fonctionne comme cela fonctionne. C'est que toute culture, Françoise Héritier, fonctionne de la même manière, par un raisonnement, par une construction, ce n'est pas la même que les autres. Absolument, Frédéric Worms, absolument. Il n'y a pas de culture imbécile. C'est ça. Bon, il n'y a pas de pensée sauvage, ou plutôt la pensée sauvage est une pensée. La pensée sauvage est une pensée terriblement structurée. Voilà. Et où, au moindre phénomène, la moindre nouveauté, au moindre accident qui se produit dans l'espace où l'on vit, l'espace vital, il faut immédiatement apporter une réponse en essayant de l'intégrer dans le système de compréhension que l'on a. Imaginez des enfants qui jouent uniquement avec des billes en terre cuite. Et puis quelqu'un apporte une belle agate. Bon, eh bien, par définition, il va se passer quelque chose qui fait qu'entre un système démocratique où des enfants jouent avec des billes semblables, il va y en avoir un qui aura un objet convoité par tous les autres. Un très beau calot miroitant, et on retrouve la comparaison qui fait on retrouve fond, la le, comparaison, le sens. Et puis on retrouve aussi, on retrouve à ce moment-là la mise en place d'une hiérarchie qui n'existait pas à partir de la possession d'un objet magnifique. Alors je sens, Françoise Héritier, dans ce petit exemple, déjà, votre retour à la structure, c'est-à-dire au fond à cette conception du sens, on pourrait dire, qui fait que ça n'est pas une vérité cachée dans les choses, mais un système de différence, que le sens vient de la comparaison entre les billes. Et en même temps, tout de suite, vous dites, il y a une hiérarchie, donc peut-être une violence. Quand vous allez penser le masculin et le féminin, c'est à la fois une différence à travers laquelle les hommes pensent leur expérience. Et votre différence avec Lévi-Strauss, ce serait que dans ces différences structurantes, à travers lesquelles les hommes donnent sens au monde et à leur vie, il y aurait déjà de la violence, de l'affect, c'est ça que vous disiez. Elles ne sont jamais seulement logiques, elles sont déjà des rapports de pouvoir. C'est-à-dire, on peut les traduire de façon seulement logique. La science, c'est ça, l'anthropologue. La valence différentielle des sexes et des générations. Oui. Et donc c'est une structure. Je dis que si je développe le raisonnement, nous autres êtres humains, nous avons une spécificité qui nous rend totalement irréductibles aux animaux, contrairement à ce que l'on peut penser. Il y a un continuum, mais aussi une ligne de fracture. C'est le fait de l'incroyable dépendance des enfants que nous mettons au monde avant d'être autonomes. Ils sont totalement dépendants de leur mère, de leurs parents. C'est ça, notre privilège par rapport aux animaux, c'est d'abord une faiblesse supplémentaire. Une faiblesse supplémentaire, ce qu'on appelle la néothénie, c'est le fait que bon, il faut 7 ans avec un enfant, avant qu'un enfant, je ne dis pas, soit autonome, mais une certaine capacité de survivre tout seul. Tout seul. Si l'on en juge par les enfants du Zaïre, par exemple, les enfants des rues, bon ben, il faut avoir cet âge-là pour être équipé pour survivre. Donc, il y a ça. Alors, les raisons pour lesquelles nous avons cette néothénie, c'est autre chose. Mais enfin, il y a ça. Ça veut dire que il n'y a pas un individu au monde qui n'ait vécu la relation de domination, à la fois d'obéissance et de dépendance, avec ses parents. Donc, il sait, tout enfant, il n'y en a pas un être au monde qui a été privé, de, sauf peut-être les enfants sauvages. Sinon, ils seraient morts, par définition. Enfin, on a tous connu cet état où on est, on dépend à la fois physiquement par son alimentation, sa survie, la protection du froid, des aléas, de toutes sortes, et puis aussi à la fois cette dépendance alimentaire et surtout se soumettre à l'autorité. Il faut se soumettre à l'autorité de ceux qui sont plus âgés que vous. Et je dis que ça pourrait se dire qu'en une équation, oui, que les parents, comme les aînés, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés avant vous, oui, sont supérieurs aux enfants et aux cadets. Ça, pas seulement différents, mais sont dans une posture de supériorité. D'où cette idée justement du frère aîné, si vous voulez, dans les banlieues, mais pour ne prendre que cet exemple-là. Et alors, cette valence différentielle des générations a glissé de sens et de modèle dans les hauts temps de notre préhistoire pour devenir la valence différentielle des sexes, et où si vous voulez, le rapport père-enfant ou aîné-cadet, oui, est analogue au rapport homme-femme. Mais Françoise Héritier, sur ce premier rapport de parenté, disons d'abord de parent-enfant, il y a ce rapport de dépendance et de domination. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce que les psychologues, les psychanalystes analysent maintenant, qui est un rapport aussi inversé, au fond, de dévouement envers le fragile, la mère et la société, même devant aussi se soumettre à la fragilité de l'autre, non pas pour des raisons éthiques avec un grand E, de vulnérabilité d'autrui qui serait pensée moralement, mais simplement, justement, parce qu'il faut qu'il survive. Donc, est-ce qu'il n'y a pas la dépendance, mais aussi le dévouement? Est-ce qu'il n'y a pas le pouvoir, mais aussi, je dirais, le soin, le secours, et presque un renversement des rôles, ce qui fait qu'un enfant peut aussi être un tyran, peut aussi dominer. Je ne dis pas le contraire dans nos générations modernes, mais c'est très récent, ça, que l'enfant devient le tyran. Je veux dire... Mais toute société soigne ses enfants. Toute société soigne ses enfants, mais toutes n'en font pas le centre de leur univers et ne les traite pas avec cette dévotion qui est la nôtre maintenant. Du dévouement, dévotion, c'est une pathologie du dévouement. Non, j'ai dit bien dévotion. Oui, dans notre société. Ah, dans nos sociétés, oui, ou en Chine, enfin, ouais. L'enfant a tous les droits, mais dans nos sociétés, je suis navrée à dire vrai quand je vois une femme installer son enfant de 4 ans sur un siège d'autobus bondé et refuser quand une dame qui demande à s'asseoir parce qu'elle est handicapée refuser en disant que de demander à son enfant de se lever. Dans cette indignation que de votre part, Françoise Héritier, j'entends à la fois vous comprenez la logique qui peut conduire à ça et vous la critiquez. Donc pour vous, la compréhension anthropologique n'est pas détachable justement non seulement de l'affect qu'il y a dans les relations humaines, mais de l'affect de l'observateur, de vous-même. Ah ben, bien entendu. Voilà, votre indignation peut... Je suis tout à fait capable à la fois de comprendre, d'essayer. Vous savez, essayer de comprendre. Quand je dis je comprends pourquoi les choses se passent de cette façon, ne veut pas dire que je partage le point de vue. Et tout à fait possible, même, je crois que ça arrive, de comprendre les motivations de quelqu'un qui va se faire sauter en attaquant d'ailleurs, oui. De le comprendre intellectuellement, oui. Ça ne veut pas de dire comprendre les représentations qui ont pu conduire à ces actes. D'essayer d'analyser sa situation, la situation de son pays, son éducation, les différentes raisons qui l'ont conduit à cet axe, mais sans pour autant l'accepter. Mais sans aller jusqu'à ces extrêmes, c'est vrai aussi pour énormément de conduites ordinaires dans les sociétés où on travaille comme ethnologue. Si vous voulez, penser qu'un... C'est une situation que j'ai vue. Un jeune homme qui est le dernier de sa lignée, oui. Il n'y a plus personne. Et il vit dans un quartier de cases en ruine. Et comme c'est un garçon, il ne peut pas faire sa cuisine. Il faut que ça soit une femme qui le fasse. Il ne le sait pas. Dans sa culture, c'est pas possible. Système de représentation, c'est il juste faut pas qu'il interdit. Il peut pas aller chercher de l'eau, ni chercher du bois, ni faire la cuisine. Et donc, il est condamné à chercher la charité auprès de femmes qui ont un rapport de parenté avec lui-même et qui veulent bien lui apporter une portion de bouillie de mil avec un peu de sauce, etc. Et il survit comme ça. Quand j'y étais, il n'avait pas d'autre moyen de se nourrir que ces actes de charité, mais qui n'étaient pas de charité au sens chrétien du terme, qui étaient presque des devoirs. Oui, parce que c'était des parentes, et si elles avaient refusé, ça aurait été très très mal vu. Mais bon, c'est évident que je trouvais que c'était quand même, me disais que ça serait mieux s'il apprenait à faire la cuisine, mais de toute façon, c'était pas possible. Oui, c'est pas pensable. Vous comprenez pourquoi ça n'est pas possible, mais ça n'empêche pas votre indignation. Et donc, Françoise Héritier, ça explique quelque chose sur quoi on va revenir ensuite. C'est la manière très originale dont vous articulez une variation des cultures humaines, une variété, ouais. Une connaissance et une culture anthropologique, et un maintien de l'universel, un maintien de l'indignation et des principes. Ça n'est aucunement contradictoire. Non, ça n'est pas du tout contradictoire. Mais si je continuais à répondre à votre question, il y a eu ce fil directeur de l'enseignement, mais également l'obligation qui m'a été faite officiellement de prendre ma part dans les obligations de la cité. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à présider le Conseil national du SIDA. Le Conseil national du SIDA et d'autres instances, participer à d'autres instances. Et je dois dire que ce sont des activités à la fois intéressantes, mais surtout humainement productives. Et je gardais de ces activités-là et des différentes rencontres que j'ai pu y faire un grand souvenir. Parce que les activités intellectuelles, on est heureux de ce qu'on fait, et surtout de temps en temps, il y a des grands moments d'illumination et qui vous apportent un bonheur infini. Mais c'est personnel, c'est vous qui éprouvez cela. Et il peut y avoir d'autres activités qui apportent un profit à la société, j'appelle ça au bien commun. Ouais. Et c'est dans ce genre d'entreprise que j'ai ressenti cela. Et au Conseil national du SIDA, par exemple, nous avons été amenés à visiter les prisons, à faire une enquête sur les prisons et sur les malades du sida en prison. Et à partir des découvertes que nous avons faites dans les différentes prisons qu'on a visitées, on a écrit un rapport qui a obtenu satisfaction, et notamment sur un point fondamental, on a obtenu que les dossiers, la confidentialité, les problèmes médicaux, enfin tout ce qui doit toucher la santé des prisonniers, ne relève plus du ministère de l'Intérieur, mais du ministère de la Santé. Dit comme ça, c'est rien du tout. C'est énorme. C'est énorme. J'avais envie justement, Françoise Héritier, de discuter de ce type d'engagement. Nous y reviendrons après avoir écouté une chanson que vous avez choisie. Nous sommes chez vous, nous écoutons aussi les chansons qui vous paraissent aussi refléter quelque chose de vous-même, qui vous paraissent importantes. Chanson de Juliette où il est question du masculin et du féminin. Dans mon sous-sol crasse où brûlent mes fourneaux, où les âmes damnées grillent de bas en haut. Regardez qui est là, qui attise les flammes, régnant sur les enfers, le diable est une femme. Rien d'étonnant, n'est-ce pas? Des brunes jusqu'aux blondes, par elles sont advenus tous les malheurs du monde. Le diable est une femme et vous vous en doutiez. La place d'une femme n'est-elle pas au foyer? Sur mon lit calciné, lascive et si cruelle, comment pour m'invoquer faut-il que l'on m'appelle? Mes diables et mes hommes, et Dieu même en personne, tout simplement me nomme patronne. Françoise Héritier, nous venons d'écouter l'éternel féminin. On reviendra ensuite sur la question de savoir si le féminin est éternel, dans sa différence avec le masculin en tout cas. Mais je voulais d'abord revenir sur ce dont nous parlions juste avant, sur votre engagement au Conseil national du SIDA en particulier. Vous en avez eu beaucoup d'autres. Et ce qui me frappe, vous évoquiez un effet très concret, très important de cet engagement qui fait que la tutelle médicale des prisonniers en France est passée d'un ministère à l'autre. C'est majeur, du ministère de l'Intérieur à celui de la Santé. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que, disons, 20 ans auparavant, un de vos prédécesseurs au Collège de France aussi, Michel Foucault, s'engageait aussi sur les prisons. Mais il s'engageait en fondant des collectifs qui critiquaient les instances officielles, j'allais dire, de l'extérieur. Est-ce que vous n'êtes pas frappé par le fait qu'aujourd'hui, les intellectuels interviennent toujours, à mon avis, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, mais interviennent aussi dans les institutions, dans des institutions, en tout cas des institutions que la démocratie a prévues pour se critiquer elle-même, pour pouvoir avancer. Le fait que vous-même, vous ayez pu faire bouger les choses depuis le Conseil national du SIDA, est-ce que ça n'est pas un autre type d'engagement dans la continuité, mais dans une différence avec celui de Foucault, oui, par exemple? Oui, et qui me paraît extrêmement important. J'ai appelé cela parce que j'ai bâti un séminaire pendant plusieurs années sur cette notion, l'anthropologue dans la cité. Alors ça voulait dire en fait que nous n'étions pas simplement des observateurs à la recherche de structures abstraites et puis qui écrivions pour notre plaisir des ouvrages qui ne dépassaient pas un cercle de lecteurs. Pour l'autre spécialiste dans le bureau d'à côté. Non, qu'il fallait mouiller la chemise, comme on dit, et mettre les mains dans le cambouis. Oui, mais dans la cité... Je ne dis pas aller sur le terrain, comme le font un certain nombre de bénévoles dans des associations. Moi, je n'ai jamais participé à une ronde pour distribuer des soupes chaudes ou des cafés la nuit, si vous voulez. Mais après tout, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai jamais fait. Vous pouviez être utile autrement. Je pouvais être utile autrement. Alors, d'une certaine façon, je ne dirais pas que c'est le même rôle qu'ont les lanceurs d'alerte maintenant, ou les guetteurs, mais c'était un peu ça. Entrer dans des comités Théodule, aurait dit le général de Gaulle, mais ne pas se contenter de faire des choses un peu poussiéreuse et clandestine, mais essayer de faire bouger en utilisant les moyens qui nous étaient donnés. Et donc un Conseil national du SIDA qui au départ était une fantaisie, parce que la réalité c'était qu'étaient créés en même temps deux autres organismes, l'Agence française de recherche sur le SIDA et l'Agence de lutte contre le SIDA. Et puis on a voulu mettre une petite cerise sur le gâteau en y mettant de la réflexion. Oui. Et donc le Conseil national du SIDA était cet objectif de réflexion sur les attendus sociaux et intellectuels de cette crise qu'a porté le... Et donc c'est à vous-même, une anthropologue, et donc d'essayer de se petit réduit, de faire quelque chose qui en fait pouvait faire, je dis pas faire éclater une bombe, c'est beaucoup trop important, mais faire apparaître au jour et obliger les gouvernements à réviser certains points de vue. Et j'ai cité le cas du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé, mais il y a eu bien d'autres choses, évidemment. On a aussi essayé, par exemple, de faire plier des compagnies pharmaceutiques pour éviter que les premiers médicaments qui étaient mis sur le marché, mais à dose vraiment extrêmement limitée, pour lutter contre la maladie, pour éviter qu'ils soient absolument hors de prix, et pour demander à ce qu'on en fasse davantage. Parce qu'on avait des rapports assez durs avec les fabricants pharmaceutiques. Enfin, il a fallu vraiment faire beaucoup de choses comme ça. Mais ce qui me frappe, c'est votre engagement, votre regard critique, mais aussi le fait que certaines institutions, et non pas seulement de l'extérieur des institutions, mais depuis certaines institutions, permettent cet engagement, le rendent possible. Je vais prendre un autre exemple qui va nous rapprocher aussi du masculin et du féminin. Vous êtes intervenue à plusieurs reprises comme experte, et vous assumez ce rôle d'expert, qui n'est pas pour vous un rôle de pur sachant, mais un rôle d'un sachant intervenant, finalement, et en rapport avec la vérité, quand même, dans une époque où on critique beaucoup aussi l'idée de vérité, vous la défendez quand même. Donc vous êtes intervenu à plusieurs reprises devant le Comité consultatif national d'éthique, par exemple, sur ces questions de procréation, de parenté, du masculin, du féminin. Nos sociétés vivent des changements à ce sujet, parfois elles se crispent, et vous, votre geste, si j'ai bien compris, c'est plutôt de faire varier les modèles, de montrer que l'humanité a fait varier les modèles, et que pour autant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la violence, cette variation qui permet de ne pas paniquer, de comprendre, de réagir aussi, de comprendre ce qui se passe, n'est pas un relativisme, n'est pas l'absence de repères. Et donc vous avez toujours ces deux points de la variation. Vous faites bouger les problèmes et en même temps vous maintenez quand même des principes. Ah, oui, absolument, mais Frédéric Worms, je voudrais dire en plus que je suis dans l'obligation de le faire. Parce qu'il n'y aurait pas d'universalisme s'il n'y avait pas de la diversité. Mais c'est fondamental, on l'oublie tellement souvent. On oublie ça. Les deux choses sont extrêmement liées l'une à l'autre. Parce que si nous étions tous semblables, on ne se poserait pas la question de l'universalité. Donc l'universalité dépend étroitement de la différence, des différences culturelles. Sauf que les différences culturelles, par un examen anthropologique, peuvent être amenées à un certain nombre de possibles. Et ces possibles intellectuels ont tous été généralement envisagé par l'humanité. Et la chose intéressante, c'est quand un de ces possibles, structurellement parlant, n'a pas été envisagé par l'humanité, c'est ça qui devient intéressant, comprendre pourquoi il ne l'a pas. Et quand on s'intéresse aux raisons pour lesquelles un des possibles dans les différents domaines n'a pas été réalisé par une société quelconque, qu'est-ce qu'on trouve ? C'est que ça aurait permis une supériorité des femmes sur les hommes. Ah, donc pour vous, finalement, Françoise Héritier, l'absence de réalisation de certains possibles tient au fait que ça aurait compromis le principe de la domination masculine. Vous savez, c'est profond. Hein. J'ai lu, en effet, dans un de vos entretiens à ce sujet, vous dites que, par exemple, dans les différents types de fécondation artificielle aujourd'hui, différents types de procréation assistée, pour prendre le terme, qui suscitent tous des débats, d'abord, il y en a certains, finalement, que l'humanité avait inventé, par les institutions, presque tous. Mais qu'aujourd'hui, finalement, si on regarde ceux qui posent problème, par exemple dans le don de gamètes, je crois que vous dites, au fond, tout ce qui touche à la maternité est moins discuté que ce qui touche à l'incertitude sur la paternité, parce que là, c'est la supériorité de l'homme sur la femme. Et donc, finalement, les problèmes ne sont pas des problèmes métaphysiques sur la vie, la mort, l'enfant, le parent, etc. Mais des problèmes très concrets, très sociaux, où il y a à la fois de l'universel et de la violence. Et on peut le voir très très bien en travaillant avec les sécos. Les centres d'études et de conservation des ovules et du sperme humain. Qui sont ceux qui délivrent aussi les autorisations pour les procréations assistées. Leurs directeurs successifs, et je me souviens du premier, le professeur Georges David, me disait sa stupéfaction, dont il ne comprenait pas le sens. Il disait, autant on parle librement dans les familles du don d'ovules, alors même, on explique qui on a cherché, comment on a trouvé, etc. Et c'est dit très très vite à toute la famille, autant le don de sperme fait problème, on n'en entend pas parler. Et surtout, ça reste un mystère familial. Parce que il faut pas que ça sorte en dehors de la famille. Par exemple, supposer que un homme bénéficie du sperme parce que lui-même est spermatozoïde, bon, bénéficie du sperme d'un frère ou d'un cousin, ce qui en principe devrait être interdit par les lois sur l'inceste, mais enfin peu importe. Et pour la famille, c'est très bien. Parce que ça reste dans la lignée. Deux frères, c'est pareil. À la limite, deux cousins germains par le père, c'est pareil. Mais par contre, le sperme d'un inconnu. Le sperme d'un inconnu, alors là, c'est une rupture et ça devient odieux. C'est une chose qu'il ne faut pas dire. Donc, on s'efforce de le masquer. Alors qu'au contraire, pour le don d'ovule, on cherche à l'extérieur et on dit où on a obtenu un don d'ovule. Alors, il s'interrogeait là-dessus sans voir qu'en fait, ce qu'il s'agissait de préserver, c'était le non du père. Le nom du père, comme disent certains psychanalystes. Oui, comme diraient certains psychanalystes. Et vous-même, Françoise Héritier, finalement, on a l'impression que vous avez repris, comme Claude Lévi-Strauss et beaucoup d'anthropologues, voire tous, cette question, certains interdits fondamentaux qui définissent la culture humaine, notamment le tabou de l'inceste, mais que vous y avez ajouté ce point critique du masculin et du féminin. Alors d'abord, sur le masculin et le féminin, moi, j'aurais une question, je trouve d'abord très profond de le formuler comme ça, c'est-à-dire on dit l'homme et la femme, il y a plein de manières de dire cela, mais j'ai l'impression que pour vous, l'universel et le point de problème et en même temps de réponse, c'est cette distinction du masculin et du féminin qui peut traverser les hommes et les femmes concrets, qui peut traverser les sociétés, la différence entre deux qualités finalement, deux traits, le masculin et le féminin. Pourquoi est-ce que vous le formulez comme ça? Pourquoi est-ce que c'est pour vous la pointe critique? C'est pour moi la pointe critique parce qu'il me semble, même si je confesse avec humilité mon ignorance, je ne connais pas, et bien, bien de loin, toutes les sociétés du monde. Enfin, j'ai une certaine connaissance, une certaine pratique sur le terrain, une connaissance des travaux des autres, mais elle n'est pas universelle. Exhaustive. Elle n'est pas exhaustive. Qui pourrait y prétendre? Elle n'est pas exhaustive. Vous êtes la seule à pouvoir y prétendre. Déjà, vous excusez de mais ça, vous êtes la seule à pouvoir le faire. Je n'ai pas trouvé d'exemple de société où ça ne soit pas le point majeur d'articulation qui permet de comprendre le fonctionnement global de la société et surtout le fonctionnement global de la pensée. C'est le pivot de toute société humaine. Le pivot. Ah oui. Avec ce greffant dessus, toute une série de représentations qui se présentent la plupart du temps de caractère binaire. Bon, c'est vrai que si je dis sec et humide, même chez nous, qui ne sommes pas très portés sur ces types de classifications, on se doute que sec est masculin et humide féminin. Mais enfin, oui. Est-ce qu'on s'en doute encore? Sans doute. En tout cas, c'est une longue culture qui nous amène à penser comme cela. Et donc, il y a tout un, dans les sociétés, un classement des valeurs accordées aux différents éléments du monde dans lequel ils vivent et de classement des qualités qui leur sont données. Et ce classement, on dira que c'est noir ou blanc, ouais, que c'est chaud ou froid, etc. Et ce classement, en plus, il est soit masculin, d'un côté masculin, d'un côté féminin. Alors évidemment, ça peut varier selon les sociétés. Je peux vous dire ici que le soleil est masculin, la lune féminine. Ailleurs, ça sera la lune qui sera masculine. En allemand, par exemple. Mais c'est pas seulement en allemand, c'est dans d'autres. Non, mais bien sûr. Mais... Alors, c'est pour vous dire que l'important n'est pas l'uniformité des détails, des agencements, c'est de savoir qu'elles sont toutes agencées de la même manière. Autour de ce point. Autour de ce point. L'éternel féminin qui n'est pas une essence, finalement, mais qui est plutôt une construction culturelle, un repère. L'éternel féminin est une constante de représentation. Et de représentation pas seulement masculine, parce que quand il fonctionne, les femmes pensent comme les hommes. C'est très très rare, par exemple, dans une société africaine, puisque je connais moi surtout des sociétés africaines, avec des femmes qui n'arrête pas de travailler de la journée entière. Quand elle ne puise pas de l'eau, ne porte pas du bois, ne pile pas le mil, ne l'écrase pas, ne font pas cuire, ne s'occupe pas des enfants, etc. Ne tire pas l'eau du puits. Je les ai jamais vues occupées à rire, simplement à discuter entre elles, sauf autour du puits où elles sont plusieurs, elles peuvent parler. Et même des femmes dont on a l'impression l'après-midi qu'elles ont achevé leurs tâches, qui se mettent le dos au soleil, le dos à une maison, à un mur de briques, si vous voulez, en banco, quoi, en argile, pour se chauffer au soleil, et puis le soleil en époque où ça brûle pas trop, elles sont bien assises, les jambes tendues devant elles, elles sont deux ou trois, et vous croyez qu'elles s'amusent, mais pas du tout, elles filent le coton, ou elles cardent, elles sont toujours en train de faire quelque chose, toujours. Mais alors, Françoise Héritier, ce point critique que vous avez finalement, pour la première alors fois... Alors ces femmes-là, elles pourraient protester, mais elles ne protestent jamais. C'est ça ma question. Elles ne protestent pas, et on le comprend, puisque elles font partie de leur culture, comme tout être humain. Mais comment se fait-il que vous-même puissiez protester? Comment se fait-il que l'esprit critique ait pu s'ajouter? Comment se fait-il qu'on puisse dénoncer des violences? Et au fond... Je pense que vous conviendrez que c'est fondamental de le faire, que ça définit quelque chose comme une justice, une société juste. Et comment est-ce que vous articulez, encore une fois, cette compréhension qui fait que vous comprenez aussi pourquoi nous ne protestons pas toujours, et la protestation, encore une fois, cette critique. C'est passe à deux niveaux différents. J'ai conscience de cette élasticité, mais... Si vous voulez, quand je vois des femmes qui auraient toutes les raisons de protester, non seulement ne pas protester, mais ne même pas comprendre que leur situation est dominée et qu'elles pourraient protester. Mmh. Non, c'est comme ça. Et quand on leur dit, ben oui, c'est normal, quoi, on est des femmes. Pourquoi vous trouvez normal, par exemple, vous trouvez normal que le mari d'une telle la frappe? Ben oui, c'est son mari, etc. Bon, donc, vous voyez, c'est qu'elle ne voit pas la nécessité de protester. C'est pas à moi d'apporter la révolution au sein des... Même si j'essaye de leur faire comprendre par mon comportement, mais mon comportement, elles disent, ah, mais oui, mais toi, tu es une blanche. Donc, elles transfèrent sur la couleur les possibilités de liberté que je peux avoir. Bon. Mais je ne peux pas, moi toute seule, secouer la profondeur de ce système de représentation. Ce que j'appelle alors éternel féminin, c'est une représentation que partagent les hommes et les femmes, alors, mais qui sera différente. Chez nous, au 19e, au début du 20e siècle, l'éternel féminin, ça veut dire la femme menteuse, frivole, séduisante, etc. Et puis, un peu névrotique, et puis qui n'a pas beaucoup de cervelle. Enfin bon, vous voyez bien tout. Alors que l'éternel féminin en Afrique, ça veut dire la bête de somme. La servitude. C'est pas exactement la même chose. Mais Françoise Héritier, alors, votre engagement, il se fait sur des principes universels, mais vous ne le transportez pas partout de façon directe, ce serait une autre forme de violence. Vous l'exercez avant tout dans votre société, dans votre culture. Ben c'est pareil, je cherche à comprendre exactement dans ma culture, mais... Je ne suis pas partisan de la violence. Je n'ai jamais été partisan de la violence, même si je reconnais qu'à de certaines époques, il faut. Et la violence a servi des avancées majeures. Bon, mais jamais je ne mettrai la main dans des opérations de violence qui se concluraient par mort d'homme. Je ne sais pas possible. Vous intervenez par le discours critique. Par le discours, par essayer de faire comprendre. L'élargissement de l'esprit, l'élargissement de la compréhension. Et on y arrive, vous savez. J'ai parfois été surprise en prenant la parole dans des... manifestations qui n'étaient pas intellectuelles, qui étaient politiques. Bon, mais ça avait de prendre la parole, je sais pas, pour Martine Aubry et de voir le public d'un endroit immense se lever pour m'applaudir, et je me dis mais d'où, comment ces personnes me connaissent-elles, si vous... Donc ça veut dire que la pensée a quand même fuité un peu. Ça veut dire que votre mode d'intervention. Donc le mode d'intervention plus doux et qui suffit, qui s'efforce de faire comprendre pourquoi les choses sont de la sorte, implique chez chacun peut-être des petits changements. Mais même si ce ne sont que des petits changements, tous ajoutés les uns aux autres permettent de voir des grands changements. J'ai quand même assez vécu maintenant pour me rappeler comment c'était quand j'avais 20 ans ou quand j'ai voulu partir pour la première fois sur le terrain, où j'ai été récusée parce que j'étais une fille. Mmh. C'était la raison officielle. Qui maintenant se permettrait officiellement de dire que quelqu'un est récusé parce que c'est une femme? Espérons que cela ne revienne pas, Françoise Héritier. En tout cas, espérons que ça ne revienne pas, ni chez nous, ni en Amérique. Ni chez nous, ni en Amérique, ni nulle part. Merci infiniment, Françoise Héritier. C'est aussi par des engagements comme le vôtre et par le vôtre que tous ces petits changements vont permettre de résister. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Frédéric Worms. Merci beaucoup. Les discussions du soir, Françoise Héritier, Yvan Turc, Chloé Leblond, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms.